إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، ثم اعلموا أن البلايا التي تنزل بالمسلمين والمصائب المتنوعة التي تحل بهم في دينهم وأبدانهم وأموالهم سببها معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاء لا يمكن دفعه والمصيبة لا يمكن رفعها إلا بالأخذ بالأسباب المنجية من ذلك. فمن أسباب دفع البلاء ورفعه الرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فارجعوا أيها المسلمون، ارجعوا إلى طاعة الله واجتنبوا معصيته، يدافع الله عز وجل عنكم وترفع عنكم البلايا والمصائب. Chers musulmans et musulmanes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala en public comme en privé, et sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces maux, que ces catastrophes qui touchent les musulmans dans leur religion, qui touchent les musulmans dans leur santé, qui touchent les musulmans dans leurs biens, les causes de ces maux, de ces troubles et de ces discordes sont la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces épreuves ainsi que ces maux et ces discordes ne peuvent être ôtés qu'en mettant en œuvre des causes qui permettent, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que soient ôtés des musulmans ces maux, ces discordes et ces troubles. Parmi ces causes, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens dans sourate Ar-Rum, la corruption est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et méditez, chers musulmans et musulmanes, ce verset de sourate Ar-Rum dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que les discordes, les troubles et les maux qui sont présents à la fois sur terre et dans la mer sont la cause de ce que les gens ont accompli, de ce que les gens ont œuvré comme désobéissance à Allah Azza wa Jal. et regardez la miséricorde d'Allah Azzawajal et la pitié d'Allah envers ses serviteurs lorsqu'il dit « Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré ». Ainsi, le mot qui touche les musulmans n'est que la conséquence d'une partie de ce qu'ils ont œuvré. Et si Allah Azzawajal voulait punir les gens et leur affliger ce qu'ils méritent, conformément et proportionnellement à leurs œuvres, alors il n'y aurait plus aucune être, il n'y aurait plus aucun être vivant sur terre. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, nous les avons éprouvés par des biens et des maux, peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire peut-être reviendront-ils vers leur Seigneur, peut-être reviendront-ils au droit chemin. Et il dit, azza wa jal, et nous les saisîmes par le châtiment, peut-être reviendront-ils, c'est-à-dire vers nous. Et il dit, azza wa jal, nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent, c'est-à-dire afin qu'ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, et afin qu'ils retournent, afin d'emprunter le chemin, l'unique chemin, le droit, le chemin droit qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, revenez vers votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, mettez en application ses commandements et délaissez ses interdits, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ôte sur vous les maux, les discordes, les troubles qui se sont abattus sur vous. Wa min asbabi raf'i al-masa'ib التعرف إلى الله عز وجل في الرخاء فقد أخرج الإمام الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله من عرف الله في الرخاء عرف في الشدة. Également parmi les causes qui permettent aux musulmans de se voir ôter ces maux et ces discordes qui s'abattent sur eux, le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal dans les moments de facilité et d'aisance. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autres, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé ses recommandations en lui disant « Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah. » Préserve les limites d'Allah et ne les transgresse pas. Préserve les commandements d'Allah en les mettant en pratique. Et ne commets pas les interdits d'Allah. Allah, tu trouveras Allah devant toi. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Connais Allah dans les moments d'aisance. Et il te connaîtra dans les moments de difficulté. Ainsi, chers musulmans et musulmanes, si tu veux l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les moments de détresse, dans les moments de trouble, dans les moments de déprime, dans les moments où tu es touché par une épreuve, que ce soit dans tes biens, que ce soit dans ta propre personne, que ce soit dans ta famille, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te vienne en aide, et si tu veux qu'Allah azza wa jal te secoure et t'assiste, dans cette épreuve, eh bien, fais partie de ceux qui connaissent Allah, de ceux qui adorent Allah, de ceux qui obéissent à Allah dans les moments d'aisance et dans les moments de paix. Ainsi, certains salafs ont dit, celui qui connaît Allah dans les moments d'aisance, eh bien, on le reconnaîtra dans les moments de difficulté. Wa min asbab daf'i al-bala'i wal-masa'ib at-tadarru'u ila Allah 'azza wa jalla 'inda wuqu'i al-musibah. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال عز من قائل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Parmi les causes qui permettent aux musulmans de se voir ôter les maux et les discordes et les catastrophes qui s'abattent sur eux, le fait d'implorer Allah Azza wa Jal lorsqu'un mal nous touche. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi, ensuite nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils, c'est-à-dire leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit: mais leur cœur s'est endurci et le diable leur a fait embellir ce qu'ils œuvraient. Ainsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs, il veut d'eux qu'ils l'implorent. Il veut de ses serviteurs qu'ils implorent leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'ils implorent son aide à lui seul subhanahu wa ta'ala, qu'ils implorent son secours. Et il dit subhanahu wa ta'ala son le sens: nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient pas. Et il dit Azza wa Jal: nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent, c'est-à-dire afin qu'ils implorent leur Seigneur, afin qu'ils implorent le pardon d'Allah Azza wa Jal, afin qu'ils implorent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Wa min asbabi raf'i al-bala'i wal-masa'ib التوكل على الله عز وجل، وحقيقة التوكل تفويض الأمر إليه مع فعل الأسباب المشروعة والمباحة، والجزم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، الذي له الخلق والأمر، والذي يقول للشيء كن فيكون، والذي عز وجل الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فعلى المسلم دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله عز وجل رغبة ورهبة وخوفا ورجاء ومحبة، فمن توكل على الله كفاه في أمر دينه ودنياه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إن التوكل على الله سبب للهداية للحق وسبب للوقاية من الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وغيره: قال: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له وقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. Parmi les causes, chers musulmans et musulmanes, de se voir ôter les maux, les catastrophes et les épreuves qui nous touchent, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de placer véritablement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir de remettre l'ensemble de ses affaires au Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala, en mettant en œuvre les causes licites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, et d'avoir la certitude, d'avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, que la création et le commandement appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jal, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est, que lorsqu'Allah azza wa jal veut une chose, elle a lieu, et lorsqu'Allah azza wa jal ne veut pas une chose, elle n'a pas lieu. Le musulman se doit à chaque instant de s'accrocher Et son cœur doit être attaché à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il doit espérer d'Allah, il doit redouter Allah, il doit craindre Allah Azza wa Jal, et doit placer sa confiance en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Car celui qui place sa confiance en Allah Azza wa Jal, Allah lui suffit. Dans ses affaires mondaines et religieuses, il dit Azza wa Jal, et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah met en application ses commandements, et Allah a accordé à toute chose sa juste mesure. Et il dit Azza wa Jal, « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah est certes le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal permet aux musulmans et à la musulmane de rester droit, de rester sur le droit chemin ferme. Le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal permet aux musulmans de se préserver de tout mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire, lorsque nous sortons de nos demeures, de dire « Bismillah, par Allah, au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. » Le musulman et la musulmane qui dit ces paroles, Bismillah, tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lorsqu'il sort de chez lui, il lui est dit, tu es protégé, l'on te suffit, et le diable s'éloigne de lui. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن أسباب رفع البلاء والآفات الاستغفار فإن الاستغفار مرداة للرب ومنجاة من سخطه سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب قال تعالى قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ومن أسباب دفع البلاء ومن أسباب دفع البلاء والمصائب التوبة إلى الله عز وجل قال تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وقال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فتوبوا إلى ربكم واستغفروه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Parmi les causes, chers musulmans et musulmanes, puis qui permettent aux musulmans de se voir lever sur eux les épreuves, les catastrophes qui touchent les musulmans d'est en ouest, de nord en sud. Regardez, chers musulmans et musulmanes, l'état de la communauté musulmane. Regardez l'état de nombreux pays musulmans où les musulmans vivent dans l'insécurité. Ils vivent dans la guerre civile. Ils vivent en étant éprouvés dans leur personne, dans leur famille, dans leurs biens. Les musulmans, à notre époque, sont rarement épargnés par les maux et les catastrophes qui se trouvent dans les pays musulmans ou qui se trouvent dans les pays non musulmans. Ils sont éprouvés dans leur religion, ils sont éprouvés dans leur personne. On demande d'eux, dans les pays non musulmans, de faire profil bas. On remet en cause les principes de leur religion. On essaye de les déstabiliser dans leurs croyances. On essaye de les déstabiliser dans leur pratique de l'islam. Ceci, chers musulmans et musulmanes, est la cause de l'éloignement des musulmans de leur religion. Ceci est la cause de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de d'aisance et dans les moments de sécurité. Et nous devons implorer Allah subhanahu wa ta'ala le secours. Nous devons nous en remettre à lui, azza wa jal, de même que nous devons demander le pardon sans cesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est vu pardonner ses péchés antérieurs et futurs, a dit alayhi salatu wassalam, je demande le pardon à Allah et je me repens à lui par jour plus de 100 fois. Ainsi, le fait de demander le pardon à Allah azza wa jal permet d'être préservé des maux et des catastrophes. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, Allah ne les châtie pas tant que tu es au milieu d'eux, c'est-à-dire ô toi Muhammad, et Allah ne les châtie pas alors qu'ils demandent pardon à Allah. Celui donc qui demande le pardon à Allah azza wa jal, Allah azza wa jal dissipera tous ses soucis. Allah azza wa jal dissipera toutes ses peines. Allah azza wa jal lui accordera largesse lorsque il ne verra qu'étroitesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la pourvoyance qu'il n'aurait jamais imaginée. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien, si seulement vous demandiez le pardon à Allah afin de faire preuve, afin de bénéficier de la miséricorde. Le fait de revenir à Allah azza wa jal repentant est également une cause qui permet aux musulmans d'être épargnés des maux et des catastrophes. Il dit azza wa jal, et s'ils se repentent, cela est meilleur pour eux. Et il dit azza wa jal, Allah aime ceux qui se repentent et Allah aime ceux qui se purifient. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, il n'y a pas une épreuve qui descende sans que la cause de celle-ci soit un péché. Et cette épreuve ne peut être levée que par un repentir. Ainsi, la cause des malheurs, du malheur des musulmans, sont leur désobéissance à Allah azza wa jal. Et la délivrance de ces malheurs et de ces maux est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous donc vers votre Seigneur et demandez-lui le pardon, subhanahu wa ta'ala, comme il le dit azza wa jal, il vous accordera jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accorde à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un jour grand, c'est vers Allah qu'aura lieu votre retour, et c'est lui qui est capable de toutes choses. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين، يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.